Ce pays que je ne verrai jamais, est-ce bien celui dont j'ai rêvé? Ces couleurs pâles qui éclairaient mon visage au trait ensorcelé. Ô lande aux parfaites collines, fjord aux courants d'eau glacée, dites-moi bien si je devine, ce n'est que chimère caressée. Pentagonie, Pentagonie. Paysage, pays sans langage, le paysage des paysages. Tu vois le rêve est incertain, les torrents décrits bien plus rapides, tes songes restent à jamais lointains. De ce pays rendu au vide, Pentagonie, Pentagonie, bien trop loin d'ici, mes rêves s'ennuient. Pentagonie.